Les mots à la bouche sonnent la charge sur Webset Radio. Rappelez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut en consommer avec modération. Allez à table ! Les mots à la bouche. Les mots à la bouche. Deux superbes chevreuils, à l'œil doux, dont la chair a tous les parfums de la forêt des loups. Ça, c'est de la bonne viande. Les mots à la bouche. À table, on marche ! Allez à table ! Les mots à la bouche. En cette journée internationale du baiser, quoi de plus normal que d'écouter les mots à la bouche? Quelle plus belle rencontre que les papilles pour les papilles qu'un savoureux gigot d'agneau ou qu'une salade d'avocat crevette finement relevée au citron de Calabre. Mais bref, ne nous laissons pas déjà embarquer par la gastronomie. Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau des mots à la bouche. Ce soir, nous partons au cinéma pour une rétrospective de l'immense réalisateur Fritz Lang. Car Fritz Lang, ce n'est pas que Metropolis et ce n'est pas que l'acteur du mépris de Jean-Luc Godard, non. Fritz Lang, c'est tout un mythe, une montagne autrichienne aussi vaste que Bergman ou que Murnau. Alors pour nous en parler ce soir, j'ai le très grand plaisir d'accueillir l'écrivain et éditeur Alfred Ebel. Bonsoir Alfred. Bonsoir. Alfred Ebel, vous vous apprêtez à publier en septembre prochain un ouvrage consacré à celui qui fut votre ami, à celui que vous avez très bien connu. Je parle évidemment de Fritz Lang. Et pour nous accompagner ce soir et pour vous cuisiner, mon cher Alfred, j'ai à ma gauche Colline Feldman, qui est une collaboratrice de la revue, de la web revue Zone Critique et qui est particulièrement calée en cinéma. Bonsoir Colline. Bonsoir. Et enfin, à ma droite, l'inamovible Théo Torresilas du magazine Saveur, le maître queue en chef des mots à la bouche. Alors Théo, dites-nous, bonsoir avant, mais dites-nous qu'allons-nous boulotter ce soir? Et bonsoir Yves, alors ce soir on boulotte pas, on grignote plutôt, on va se sustenter de planches, de charcuterie et de fromages divers et variés, mais on n'aura pas faim à la fin. À défaut d'avoir des pop-corn comme au cinéma, très bien, merci Théo, merci Brigadier. Les mots à la bouche. Fritz Lang ou le dernier bond du tigre. Ce n'est pas de la vie de Clémenceau qu'il s'agit, mais bien de la vie de Fritz Lang, Alfred Ebel. Et c'est le titre de votre ouvrage que vous apprêtez à faire paraître aux éditions Klingsic, dont la maison mère sont les belles lettres. Alors Alfred, je crois que vous avez déjà fait paraître, il y a plusieurs années, un livre sur le cinéma de Fritz Lang. Alors pourquoi réécrire à nouveau un nouveau livre, justement, sur Lang? Tout simplement, c'est que... Le premier livre que j'ai publié sur Fritz Lang est un livre qui concerne ses films, y compris d'ailleurs les films des années 20, parce qu'à l'époque, j'ai pu me procurer des tas de documents des années 20, des années 30, puisque je lis l'allemand, disons, couramment, pour étoffer un peu donc, les différents films de Fritz Lang, pour montrer aussi leur accueil, etc. Et ce qu'il y a dans ce livre également, c'est beaucoup de témoignages, oui, de la période américaine. Beaucoup de lettres également. Beaucoup de lettres. J'ai écrit à pas mal d'acteurs qui ont tourné avec Fritz Lang. Bon, évidemment, ils disent tous qu'ils ont été enchantés, mais dans le privé, ils ne le disent peut-être pas comme ça. Donc tout ça a étoffé le livre, plus des documents que Lang m'a procurés lui-même. Donc ça fait, je pense, hein, sans me vanter, un livre, je dirais, essentiel avec celui de Bernard Eisenschitz, hein, parce qu'il faut aussi parler de celui-là, pour connaître un peu l'univers de Lang et surtout, disons, pénétrer dans ses films. Par contre, le livre qui va paraître le 7 septembre sur Fritz Lang, alors là, c'est un peu différent, parce que là, je parle relativement peu de ces films. Et beaucoup de l'homme. Beaucoup de l'homme. Et c'est ça qui est intéressant beaucoup et qui, effectivement, fait un livre assez unique. Oui, beaucoup de ce qu'il lit, en fait, viennent à Fritz Lang ou Fritz Lang à Vienne, puisqu'il a commencé à écrire des scénarios dans les années 10, à peu près. Ensuite, disons, on parle un petit peu de cinéma, mais quand même pas beaucoup, quelques témoignages. Et enfin, mon séjour à Hollywood chez Fritz Lang. En 1966, voilà, c'est ça. En 1966, où je suis resté un mois, un petit peu plus d'un mois. Et puis ensuite, mes différentes rencontres avec Fritz Lang à Hambourg, à Francfort, à Paris, à Düsseldorf, à Berlin et aussi à Paris. Parce qu'il parlait français. Parce qu'il parlait finalement pas si mal que ça, le français. Oui. Voilà. Donc il y a tout ça. Plus, alors, je me suis attardé sur, sur le Tigre du Bengale et le Tombeau hindou, parce qu'à l'époque, quand ce film est sorti, il a été extrêmement mal accueilli en Allemagne, où on a dit, mais enfin, on ne comprend pas pourquoi Lang fait ce genre de film, on dirait une BD, les pères, etc. Alors qu'en fait, moi, j'essaye dans mon livre d'expliquer, parce que ça, c'est très important par rapport à l'ensemble de l'œuvre de Fritz Lang, quels sont les rapports entre la vie personnelle de Lang, sa vision du monde personnel, et les personnages qui se retrouvent dans chacun de ses films. Et là, dans Le Tigre et dans Le Tombeau hindou, j'essaye d'aller plus loin, c'est-à-dire de faire remonter ça à son mariage avec Théa von Arbo. C'est ça, c'est une femme qui a été particulièrement importante et qui l'a aidé à bâtir bon nombre de scénarios. Et qui a été, je pense, assez directive dans le couple avec Lang, parce que Lang, malgré, l'impression que les gens ont que c'était un type assez dictatorial, tyrannique, avec madame avec Théa von Arbo, c'était pas possible, c'est elle qui était tyrannique. Et ils se sont quittés d'ailleurs d'une façon un peu bizarre, quittés notamment à cause de la montée du nazisme, et sa femme justement a eu des sympathies, tandis que Fritz Lang, et puis elle a aussi eu un amant hindou, tout ça a contribué. Donc je me suis attardé donc sur Le Tigre du Bengale et Le Tombeau hindou, et puis j'avais lu, je me souviens de ça, j'avais très bien connu Feridun Oveida, que j'ai revu bien après, quand il faisait des conférences en Iran et ailleurs, qui était aussi un grand amateur de cinéma, et qui avait donné une indication dans un de ses articles pour les Cahiers du cinéma, où il disait, il y a un rapport à établir, donc à propos du Tigre et du Tombeau, entre certaines parties de la vie de Fritz Lang, mais de façon, je dirais, cachée, donc il faut décrypter, et les personnages du Tigre et du Tombeau. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est ça. Alors pourquoi le dernier bond du Tigre? Parce que les projets qui sont venus après n'ont pas marché. Alors, pour une raison, à mon avis, très simple, c'est que la vue de Lang a baissé, donc après les milieux du docteur Mabuse. D'ailleurs, on sait déjà le voit toujours avec un bandeau, avec un cache-œil, comme un corsaire. J'ai revu les milieux du docteur Mabuse, il y a des petites faiblesses par-ci par-là, il y a des, disons, des petites invraisemblances aussi, mais enfin, disons que les acteurs sont pas très bons. Peter Van Eyck n'est pas extraordinaire, Dawn Adams c'est très belle, mais bon, pas très grande actrice. Ça ne fait pas tout. Voilà. Et puis il a eu d'autres projets, et puis ça s'est arrêté. Donc en fait, si on regarde de près, c'est quand même dans le diptyque hindou que Lang s'est le plus manifesté, je crois. La fin d'Ebra Paget avec Paul Hubschmidt, c'est un peu une romance. Enfin, peut-être que le producteur a dû dire oui, il faut quand même une fin un petit peu romantique, etc. Bon, peut-être c'est ça. Mais disons que la maîtrise de la caméra, les angles de prise de vue, etc., on retrouve en fait tout Lang, donc dans ce diptyque, plus, si on sait bien décrypter ces deux films, des choses très personnelles de Lang, de ses rapports avec les femmes, etc., et donc aussi des allusions à Théa von Arbo. Oui, nous allons en parler justement, nous allons en parler après, mais en tout cas, Alfred, merci beaucoup pour cette belle présentation, et je pense que vous devez avoir le gosier absolument asséché, et nous allons passer au vin. Je crois que Théo va nous en dire deux mots. Excuse-moi, mais nous autres, on est encore capables de tenir le lit sans se prendre pour Dieu le père. Mais c'est bien ce que je vous reproche. Vous avez le vin petit et la cuite mesquine dans le fond, vous méritez pas de boire. Et oui, en effet, Yves, je vais vous parler de vin, et ce soir, j'aimerais parler particulièrement de vin naturel, parce qu'on en a parlé, de temps en temps dans cette émission. Ça fait la 9e fois, du coup, que nous pour la 9e émission. J'en parle, je parle de bouteilles, précisément, de vin naturel, mais je ne vous dis pas exactement ce que c'est, je ne l'explique pas, je ne définis pas. Et en fait, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de définition précise, et c'est parfois difficile à identifier, en réalité. Mais l'association des vins naturels a quand même donné une piste d'explication assez pratique. Ce sont des vins produits à partir de raisins biologiques ou biodynamiques, sans aucun ajout de produits extérieurs, et sans méthode autre que la vinification traditionnelle. Donc fouler les pieds nus. Fouler les pieds nus, vendanger à la main, labourer à cheval. Le seul intrant autorisé dans des doses minimes étant le soufre. Pourquoi est-ce que je parle de ça maintenant? Parce que nous nous apprêtons à passer un moment qui pour moi correspond à tous les moments qui m'ont permis de découvrir et d'apprécier le vin naturel. Ces jus ont la particularité de coller au plus près du fruit et du terroir. Ils incarnent du mieux possible le cépage qui les constitue et le sol dans lequel ces cépages poussent. Cette particularité fait qu'on y trouve beaucoup de vins de soif, qu'on peut aussi appeler des vins de copains. Ils sont légers, digestes, gouléants et se boivent sans soif bien plus vite qu'on ne le soupçonnerait. Je ne saurais trop conseiller de privilégier ce type de pinard justement pour vos soirées entre amis autour de charcuterie et de fromage. Ils tiennent éveillés et délient la langue. Ils se boivent sans qu'on ait besoin de justifier la boisson par des remarques de spécialistes. Un simple « ça, c'est bon » suffit largement. C'est d'ailleurs le nom d'une cuvée produite en Loire par Laurent Lebled, « ça, c'est bon ». Ce soir, nous allons boire une bagatelle du manoir de la Tête Rouge, un cabernet franc de Saumur, ainsi que le calice de Jean-Philippe Padier, bien plus au sud en Roussillon. Cépage et région très différentes, mais nous devrions dire, après avoir goûté chacune de ces bouteilles, ça, c'est bon. Merci Théo. Les mots à la bouche. Alors Alfred, avant qu'on passe à la deuxième bouteille de rouge, est-ce que vous pourriez nous préciser justement quels ont été les germes justement de votre rencontre avec Fritz Lang ? Les germes de ma rencontre avec Fritz Lang sont extrêmement simples. C'est qu'à la vision de ses premiers films, de ses Mabuse, parce qu'il y en a eu plusieurs, oui. J'ai eu envie à ce moment-là de faire un livre sur la carrière de Fritz Lang. Je me suis un peu appesanti sur la période allemande. Bon, sa période allemande, et puis après sa période américaine. Et puis comme j'ai vu que je pouvais avoir accès à pas mal de documents de cette époque, je me suis dit, bon, c'est pas la peine de m'arrêter à la période allemande. Donc ça s'est fait, d'ailleurs, il faut aussi préciser, ça s'est fait dans le cadre d'une revue qui s'appelait à l'époque « Présence du cinéma », dont je me suis occupé, et on a décidé d'en faire un livre. Bon, alors... Parce que vous étiez un cinéphile fou à ce moment-là. Enfin, fou non, mais c'est un cinéphile, et sans doute impressionné par certaines prises de vue dont Lang était, je crois, plus ou moins l'initiateur, à savoir tourner la nuit avec des voitures sans éclairage ajouté. Bon, ce que la Nouvelle Vague a fait aussi, etc., beaucoup plus tard. Mais à l'époque, c'était quelque chose de neuf, etc. Surtout pour les Mabuse, il y a beaucoup de circulation de voitures dans les films de Fritz Lang. Et puis alors, en ce qui concerne Metropolis, si on y réfléchit, tout ce qui est dans Metropolis, c'est ce qui nous arrive maintenant, d'une certaine façon. Hein. Bon, si on prend les choses vraiment en détail. Enfin bref, je me suis emballé donc pour le cinéma de Fritz Lang. J'ai donc décidé de faire un livre qui s'appuie sur pas mal de documents. J'en ai parlé aux uns et aux autres, également à Bernard Eisenschitz, qui connaît Lang certainement encore mieux que moi. Et j'ai écrit à Lang à ce moment-là. Vous l'avez écrit où? Et vous l'avez écrit en allemand? J'ai écrit, oui, en allemand. Bon, alors j'ai écrit à Lang en allemand, à Hollywood, et j'ai reçu une réponse très laconique en me disant « Je ne vois pas l'intérêt que vous fassiez un livre sur moi, puisque vient de paraître un livre de Luc Moulet sur moi, sur mes films. » Bon, alors j'ai dit « Bon, ça ne nous a pas découragé, ça ne nous a pas désarçonné. » Alors, ça ne m'a pas découragé. Il est très laconique, hein, Lang. C'était comme ça et on pas va y autrement. Revenir, justement, bon. Sur son caractère, donc, sur sa personnalité. Donc, finalement, je lui ai réécrit. Et là, le ton était un petit peu plus aimable, disons, où il me dit « Écoutez, je ne vois pas dans l'immédiat ce que vous pouvez faire. » La seule... Ah oui, et je lui avais demandé, écoutez, ce qu'il n'y a pas dans le livre de Luc Moulet, c'est les documents. Est-ce que vous avez des amorces de scénarios, des scripts, des choses comme ça? Est-ce que vous avez des projets qui n'ont pas abouti pour telle ou telle raison? Alors il m'a dit, écoutez, moi je veux bien vous fournir des documents, à une condition, c'est que vous me rejoigniez à Mannheim. Oui. Bon. Donc je l'ai vu à Mannheim, effectivement, il m'a donc fourni ces documents. Et puis, le livre a commencé à exister. Il a commencé à exister et en fait les 25 lettres qui sont dans le livre, donc qui va sortir le 7 ou le 8 septembre, oui. Je crois, tournent autour de la fabrication de ce livre. Et Lang a essayé, c'est vrai, de joindre un maximum de gens, y compris des émigrés qui ont émigré donc en Amérique, donc des gens qui connaissaient déjà du temps de la UFA. pour m'apporter des témoignages. Donc il voulait des témoignages vraiment très très vastes. Bon. Alors j'ai eu tout ça, le livre est sorti, il a eu un certain succès, et puis ça s'est arrêté comme ça. Alors ensuite, quand j'ai travaillé chez Flammarion pendant une douzaine d'années à peu près... Oui, vous avez été longtemps éditeur, oui. Vous avez même fondé votre propre maison d'édition. Il y avait une collection où il y avait Alain René, où il y avait Truffaut, etc. Et la personne responsable des livres de cinéma m'a dit, bah, écoutez, pourquoi on ne pourrait pas faire rééditer votre livre sur Fritz Lang à condition que vous ajoutiez une préface un peu différente de celle qu'il y a dans la première édition. Donc ça a été fait aussi, et puis comme ce livre, je crois, a été épuisé, d'ailleurs le seul livre, curieusement, qui a eu un grand succès du point de vue des ventes, c'est le livre sur Truffaut. Oui. Parce que, et en plus, Truffaut, c'est un type qui savait écrire. C'est vrai que sa correspondance, c'est un type qui avait le don. Enfin, il avait Nouvelle Vague, ils ont tous eu un certain talent. Je pense à Eric Rohmer aussi. Puis autour d'eux gravitaient des scénaristes comme Pascal Jardin ou Paul Jégor, qui avaient un talent certain. Mais Truffaut avait vraiment une facilité d'écrivain, quoi. Il faut le dire. Alfred, donc, avant que nous allions un petit peu plus loin, on va faire une présentation un petit peu plus large, vraiment des films même de Lang, grâce à Colline, qui nous a préparé une petite chronique, justement. Et comme Colline est une férue de cinéma et que je crois qu'elle en regarde tous les soirs. On y va. Oui, cinéphile convaincu, absolument. Alors moi, en revanche, je vais plutôt me focaliser sur Metropolis et sur M. le Maudit. Donc Metropolis sorti en 1927 et M. le Maudit en 1931. Alors le nom de Fritz Lang évoque à lui seul un pan entier de la cinéphilie et il est souvent rattaché à l'expressionnisme allemand. Mais faire ce raccourci, finalement, c'est pas rendre faire honneur à son universalité. Parce que, alors, originaire de Vienne, il est autrichien de naissance. Il a eu aussi la nationalité allemande et il est devenu américain d'adoption, avec la carrière hollywoodienne à succès qu'on connaît. Donc, en fait, c'est quelqu'un de très international. Auparavant, il avait donc profité de sa période germanique pour signer ses deux joyaux les plus connus, Metropolis donc, et M. le Maudit. Et ces deux films sont en fait les jalons de son style imparable, à mon sens. Fritz Lang, c'est en fait un citoyen du monde, au même titre que Charlie Chaplin, avec qui il a plusieurs points communs. Ils sont tous les deux de la même génération, ils ont tous les deux la même volonté de fédérer le public en se dédouanant du langage. Ça, c'est quelque chose qu'on voit dans les temps modernes pour Chaplin avec l'espéranto, la fameuse chanson, et la ritournelle sifflée d'Am le Maudit que Lang siffle lui-même. Alors, tous deux portaient un regard humaniste sur des personnages aliénés qui sont mis au banc de la société. Dans une veine drôle et attachante pour Chaplin et dans une veine nettement moins drôle mais attachante tout de même pour Lang. Parce qu'en fait, avec le personnage de M, en dépit de sa monstruosité, il arrive à rendre donc ce pédophile détestable finalement presque humain, notamment à travers la scène du procès qui est absolument magistrale. Qui est dantesque, ouais. Dantesque, complètement. M, acculé par la foule, finalement renvoie à cette triste assemblée l'expression de son propre échec, c'est-à-dire d'avoir fermé les yeux sur le mal qui rongeait l'un des siens et de l'avoir marginalisé. Donc c'est Peter Lorre qui incarne ce personnage. On le retrouvera plus tard avec Bogart dans Casablanca et dans Le Faucon Maltais. Et le personnage est inspiré d'un vrai pédophile qui était surnommé le vampire de Düsseldorf. Alors là où M. le Maudit se distingue, c'est par le point de vue qu'il nous invite à adopter, donc celui du pédophile. Et d'un point de vue stylistique, c'est la symbolique du hors-champ qui est hyper intéressante. Parce que Lang va utiliser l'ombre portée du tueur sur la colonne Maurice dans un plan célèbre. Oui, où la petite fille est avec un ballon notamment. C'est ça, Elsie Beckman est complètement terrifiée par cette silhouette. Et c'est finalement le même ressort qui va être utilisé dans un film qui est sorti la même année en 1931, Frankenstein, où là, le hors-champ est utilisé à travers le son. c'est en fait, ce sont les pas lourds de la créature qui annonce sa présence et qui terrifie les spectateurs qui se cramponnent à leur pop-corn sans voir le monstre, mais en l'entendant. Donc finalement, la créature est plus effrayante quand elle est suggérée plutôt que quand elle est montrée à l'écran. Et c'est pareil dans M le Maudit. Je crois qu'on a l'appel de la mère d'Elsie. Elsie Beckman. C'était l'appel désespéré justement de cette mère. Alors M, merci beaucoup Colin. M, c'est le premier film parlant de langue. Et est-ce qu'il les évoquait devant vous, Alfred Ebel, ces films? Ou est-ce qu'il restait assez évasif en parlant de la pluie et du beau temps, de la société américaine, sans vraiment... Il y a deux catégories de réalisateurs finalement, aussi bien langue que certains réalisateurs américains comme Roald Walsh par exemple, qui ne parlaient jamais de leurs films. Ça, c'est une... Jamais langue a parlé de ses films. La seule chose qu'il a écrite et qui se trouve dans mon premier livre, c'est qu'il a dit, bon, en exagérant quand même un petit peu, si je n'avais pas fait de cinéma, j'aurais été un criminel. En fait, il est obsédé par la criminalité, par pourquoi on tue et pour quelles raisons. Et d'ailleurs, il disait une chose, il disait, on peut avoir affaire, comme dans Le secret derrière la porte de Michael Redgrave, c'est-à-dire un personnage qui paraît tout à fait normal. Et puis à un moment donné, il y a quelque chose, comme il appelait ça le moment qui vous échappe. Le moment qui vous échappe, ça peut durer une seconde, deux secondes, trois secondes, et à ce moment-là, on devient criminel. Maintenant, en ce qui concerne M. le Maudit, il ne faut pas oublier que Lang a fait une enquête très approfondie sur les criminels de cette époque. Oui. Déjà, quand il y a autant de criminels dans un pays et dans une ville, c'est qu'il y a un problème politique aussi. Justement, Colin nous en reparlera un petit peu tout à l'heure, et mais il y a donc, aussi une mise en abyme avec la montée du nazisme. Alors c'est vrai qu'il y a le vampire de Düsseldorf, il y en a eu plein d'autres. D'ailleurs, une amie d'un ami a fait un livre donc en allemand que j'ai chez moi sur les grands criminels des années 30, dans lequel il y a également le vampire de Düsseldorf, mais plein d'autres, etc. Alors, c'est constitué aussi, et c'est ça que Lang a toujours, je veux dire, c'est son obsession. Il y a une société qui vit normalement, et puis il y a une société... L'Unterwelt, c'est ça. L'Unterwelt. Oui. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, la pègre allemande avait un pouvoir immense. Oui. D'ailleurs, ça apparaît dans M. le Maudit. Kessel en a d'ailleurs fait un très beau reportage dans les années 1920 sur cette Unterwelt qui avait une main mise sur la ville. Alors, est-ce qu'il y avait une connexion, comme on le voit dans le film, entre la pègre et la police? Et la police, oui. Peut-être. Peut-être pas autant, mais bon, il faut aussi voir qu'il faut qu'un scénario se développe et on est obligé, disons, des fois de tirer un peu les choses, probablement. Quant à Peter Lorre, il avait cherché plusieurs acteurs et je crois qu'il avait vu dans une pièce de théâtre, je crois une pièce hongroise, dans laquelle jouait donc Peter Lorre. Et Peter Lorre, je crois, n'aimait pas ce rôle au début, hein. Il n'aimait vraiment pas ce rôle, il ne comprenait pas pourquoi. Donc finalement, il a accepté, ça a été alors là, un des rôles de sa vie. Ouais. Il recevait des lettres d'amour, je ne sais pas combien de lettres d'amour par jour, parce qu'il avait un regard, je ne me souviens plus l'expression allemande, une espèce de regard qui faisait que les filles étaient énamourées. De plus, on ne peut pas dire qu'il était particulièrement beau. Oui, non, absolument. Mais c'est le regard. Il avait un regard, il recevait énormément. Alors lui-même était très, très étonné et tout. Eh bien, Alfred, oui, je vous coupe une minute, mais nous allons justement rester dans l'amour et nous allons aussi rester dans la pègre. Parce que nous allons passer une chanson de Frank Sinatra. Nous allons donc partir aux États-Unis. Sinatra qui nous interprète The Way You Look Tonight, qui est une chanson populaire américaine du film Sur les ailes de la danse et qui est devenue un standard du jazz. Tonight. you're lovely, with your smile so warm, and your cheeks so soft, there is nothing for me but to love you, and the way you look tonight. Charm. Won't you please arrange it, 'cause I love you just the way you look tonight. Touches my foolish heart. Lovely, don't you ever change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it, 'cause I love you just the way you look tonight. Frank Sinatra pour vos oreilles, chers auditeurs. Vous êtes toujours sur le plateau des mots à la bouche en compagnie d'Alfred Ebel. Alors Alfred, revenons un petit peu à Fritz Lang. Lorsqu'on s'était vu pour la première fois, vous m'aviez dit que Lang avait une particularité, c'est qu'il était certes viennois, mais que la société viennoise était un groupement de gens férus de musique. Et que... Bah. Et que Lang, au niveau de la musique, c'était pas vraiment. Non, c'était pas vraiment son affaire. Bon, premièrement, le Viennois a une chose, c'est il trouve dans n'importe quelle situation le côté dérisoire. C'est, disons, l'humour viennois, c'est de trouver le dérisoire dans même les éditions les plus tragiques. Et je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec Lang, mais pour vous donner une idée. Il y a un humoriste viennois qui s'appelait Qualtinger, oui. Qui œuvrait dans des cabarets viennois, etc., et qui a trouvé comme sujet pour faire rire les gens de lire Mein Kampf. Bon, alors il lisait Mein Kampf. Vous voulez nous faire une démonstration ou... Je ne peux pas vous faire une démonstration. Et la façon dont il le lisait, la façon dont il appuyait sur tel et tel mot, il paraît que les gens dans la salle étaient... Mais alors mort de rire, ou presque. Oui. Ouais. Pas donc ça va très loin. Que justement, il y avait une drôlerie, puisque, une manière de dérision décalée. Puisque ces gens-là étaient juifs eux-mêmes. Ah oui, bien sûr. Ouais. Donc voilà. Donc ils faisaient des blagues juives assez terrifiantes. Et puis finalement, pour moi, celui qui représente le mieux, disons, vient d'une époque transposée avec habileté en Amérique, c'est Billy Wilder, quand même. D'accord. C'est vraiment le Viennois. Il aurait continué en Allemagne, il aurait fait des viennoiseries. Bon, il est allé en Amérique. Ah, il a tout c'est de votre suite, côté viennois. Il a sort, tout là. De suite capté ce qui pouvait intéresser un public, parce que sa langue, c'était pas du tout son truc. Et il a adapté en fait des situations qui pourraient très bien être berlinoises, viennoises, oui. etc. Oui. Des cabarets, parce que le cabaret a quand même beaucoup influencé ce genre de réalisateur. Bien sûr, ouais. Voilà. Oui. Lang non, il est resté très étrangers à la musique. Il n'était pas du tout, l'humour, c'était pas son affaire non plus. Hein, on ne pouvait pas rire vraiment, oui. Parce qu'il prenait tout de suite la mouche. Il était, je crois, dès le départ, intéressé par la police. Et il disait une chose, il disait le problème avec l'empire de François-Joseph, c'est que les François-Joseph avait demandé à des agents d'aller voir dans les cafés, puisque à l'époque, dans les cafés, se rencontraient les artistes de tous bords. Bien sûr, ouais, c'est ce qu'on voit notamment dans Le Maudit, c'est ce qu'il y avait à Montparnasse à la même époque. Voilà, vraiment. Et d'écouter leurs conversations. Donc c'est ça qui intéressait Lang. Oui, bien sûr. Ouais. Et pas du tout l'esprit viennois tel qu'on peut... Et c'est peut-être pour cette raison qu'il s'est américanisé, si je peux dire, très rapidement. Il s'est américanisé très rapidement. Contrairement au plateau, je vous recoupe une minute Alfred, mais contrairement au plateau où Théo vient justement de nous apporter des plateaux de charcuterie et de fromage, il va pouvoir nous en dire un petit mot. Allez, on mange. Allez, à table ! À table, on mange ! Allez, à table ! Et oui, le tableau se dresse de lui-même. Quelques amis réunis autour d'une table dans un bistrot. Les rires éclatent et les verres se vident. Le ton passe de la confidence au grand cri. Les disputes succèdent aux embrassades. On échange des idées profondes et des bons mots. Certes, la description est un peu romantique. Mais ces soirées résonnent en chacun de nous. Elles ont souvent forgé certains de nos plus beaux souvenirs. Moi-même, gastronome à mes heures perdues, vous le savez, je garde en mémoire plus d'instants comme cela que de repas raffinés. Et pourtant, que mangeons-nous quand les soirées s'étirent et qu'il n'est plus à question de quitter les lieux ? Ce qu'on nous propose, ce qui passe sous la main. On commence par quelques cacahuètes, des chips, parfois des olives, selon l'offre du bar. Mais pour suivre le rythme de la boisson, il convient d'étoffer un peu les victuailles. Traditionnellement, le tenancier devrait proposer quelques planches de charcuterie, de fromage ou les deux. Et alors il dépose la corbeille de pain au centre et les mains se jettent dedans, qui étalant du beurre dessus, qui le fourrant de jambon, qui l'enrichissant de pâté. On attrape un cornichon au vol et son acidité fait saliver de plus belle. On tente des accords mélangeant une pâte molle avec un peu de rosette ou le comté avec du jambon de Parme. Chacun fait de son mieux et la soif s'aiguise à mesure que la faim s'étanche. Ne nous leurrons pas, ces planches participent activement d'un cercle vicieux mis au point par les bistrotiers, qui sont tous auvergnats, comme chacun sait. Et qui font tous des études de lettres également, car ils n'ont pas un rond et qui ne savent pas quoi faire. Et ils ont tous plus d'un tour dans leur sac. L'alcool ouvre l'appétit et la charcuterie qui apaise un instant l'estomac assèche la bouche et appelle un autre verre. C'est beau d'être si simple. Nous, c'est chez Couleur Café, dans la rue de Sèvres, que l'équipe des Mots à la Bouche accueille ses invités après l'émission pour poursuivre les moments de camaraderie débutés derrière le micro. On nous y propose des planches aux denrées finement sélectionnées qui changent malgré tout des fromages en carton et des jambons en plastique que certains osent servir. De retour de Rungis, où il fait son marché, le tenancier nous propose une sélection de pâtes parfumées et force salaison italienne ou française. Alors, nous nous laissons piéger et nous reprenons une bouteille. Mais il est des pièges dans lesquels on tombe plus volontiers que d'autres. Merci Théo, vous êtes un vrai poète, on se croirait dans la rôtisserie des poètes. Les mots à la bouche. Et j'en profite pour remercier Christophe, qui est le tenancier justement de Couleur Café, qui nous a fait ces très bonnes planches. Allez-y Alfred, je vous en prie, commencez à bouleter. Alors on parlait justement de ce caractère viennois que n'avait pas au final Lang. Non. Et je me souviens d'une, je me permets de faire une petite citation justement de votre bouquin. Vous parlez du sens de l'humour et de la dérision qui était particulièrement faible, voire inexistant chez Lang. Oui. Je cite, j'ai tenté à mon tour de dérider cet homme massif en lui montrant un dessin représentant Lot en train de défaillir face à Lang et son monocle crachant son venin. Lot, du lookst. Lot, tu mens. Qu'ai-je fait là, imaginant Lang capable de se moquer de lui-même ? Second ratage. De plus, Lang le prit très mal, ce qui compromit définitivement notre amitié. Et je vais vous dire, Alfred, que ce qui m'a le plus touché, et je dirais presque ému, ce n'est pas tant justement ce manque de dérision qu'avait Lang, mais c'est le mot amitié. Vous avez eu une vraie amitié. C'est un homme qui a compté pour vous dans votre vie. C'est clair. C'est clair. C'était de part et d'autre. C'était... Vraiment, il m'aimait beaucoup, mais en même temps, c'était un tyran. C'est-à-dire, je me suis laissé aimer, si on peut dire, par un tyran. Il était d'une tyrannie, mais qu'on peut même pas imaginer. Il vous commandait, il vous demandait de mettre telle ou telle cravate, oui, de telle ou telle... Oui, la moindre chose, la moindre remarque, la moindre personne. Voilà, c'était ça. Alors, j'étais pas le seul. D'ailleurs, je crois que dans mon livre, je parle aussi de Ward Vernon. Oui. Bon, qui, lui, n'osait pas trop le contredire, moi encore moins. Puisque lui, il dit, ah oui, Fritz, tu as raison, etc. Bon, il avait toujours raison, évidemment. Mais c'est vrai que ces lettres reflètent une réelle amitié. Oui, ça on le sent, justement, voilà, parce que vous mettez un sacré tas de lettres, justement, à la fin de votre ouvrage. Ouais. Et ce sont pas juste des lettres de circonstance. Bonjour Alfred, comment vas-tu? Non, ce sont des lettres, vraiment, on sent un lien entre vous qui est fort. Plus, d'ailleurs, les lettres de lui que de Madame Latté, qui était une personne assez sèche, assez carrée, qui surveillait sans arrêt Fritz Lang, parce que Fritz Lang avait pris des habitudes de téléphoner à des femmes, disons, peu farouches, pour les rencontrer. Oui. Et Madame Latté, ça commençait à l'exaspérer, alors il y avait des discussions entre Lang et elle, et puis Lang l'envoyait promener, etc., enfin, chaque fois. Madame Latté était, je crois, une Prussienne, enfin, quelque chose. Ah oui, d'où le caractère un peu plus rigide. Voilà. En tout cas, Théo, vous n'avez pas l'air exaspéré par les pratiques de Fritz Lang, hein? Ben non, bien sûr que non, ça ne me choque pas. Moi, je suis en train de m'occuper de la planche de charcuterie, excusez-moi. De toute façon, ça fait partie, il faut aussi le dire, que ça n'avait rien d'exceptionnel par le monde du cinéma lui-même. Je veux dire, déjà quand Lang était en Allemagne, il avait des maîtresses, il sortait avec des actrices, etc. C'était comme ça. Bon, ça s'est développé à Hollywood, mais il est resté très allemand à Hollywood. Ça, c'est un truc qui m'a frappé. Dans sa manière d'être, dans sa manière de vivre. Oui, dans sa manière de s'habiller, dans sa manière de parler, dans sa manière de disons, les gens qui tournaient autour de lui, c'était tous des émigrés ou quasiment très peu d'Américains authentiques, disons, oui. Sauf évidemment pour le travail. Parce que là, forcément. Cela dit, il y a un livre qui est sorti sur Fritz Lang où on apprend qu'il avait des rapports détestables avec les producteurs, les directeurs de plateau, et avec ses acteurs aussi, qu'il considérait d'une manière assez... Les acteurs allemands que j'ai rencontrés donc à Berlin m'ont dit, mais vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est épouvantable. Oui. Épouvantable, je veux dire, c'est tout juste s'il ne réglait pas une façon de marcher très précise. Oui, et si l'autre demandait, mais enfin, pourquoi? Si vous n'avez pas besoin de le savoir, faites comme ça, tout. Oui. Ce n'est pas un réalisateur en fait, qui aura pu avoir Nino Ventura sous ses ordres. Dont on disait qu'il n'aimait pas ses acteurs. Encore que Hitchcock, je crois que c'est Kim Novak qui lui avait demandé quel était son meilleur profil. Et Hitchcock lui a dit, vous êtes assis dessus. Ça, c'est le genre de réflexion que l'homme n'aurait peut-être pas faite. Oui. Mais enfin, bon, à côté de ça, quand on lui parlait de tel ou tel acteur, il disait... Oui, enfin, oui. Alain Dietrich. Oui, c'était pas. Enfin, Alain Dietrich, je détestais Lang aussi. Oui, je veux dire. Bon, donc, il y avait ça. Colline, vous qui êtes une grande admiratrice justement de Lang, est-ce que vous pouviez vous imaginer justement cette personnalité de Lang? Je ne veux pas faire de la psychologie de basse-cour, mais c'est vrai qu'en voyant ça, on s'imagine. Enfin voilà, ce sont tous pour la plupart des chefs-d'œuvre, et on s'imagine quelqu'un, je sais pas, comme un aigle, un petit peu à la Nietzsche, un aigle qui est en train de planer au-dessus de tout ça. Et... Oui, mais en réalité, souvent derrière les grands génies et les grands artistes, il y a parfois des hommes assez névrosés. Oui. Et c'est vrai que oui, j'avais appris au lycée que effectivement, il considérait très mal ses acteurs, qu'il les sous-payait, qu'il les exploitait, et que finalement, ils étaient tous réduits un peu à la condition de figurants, même si c'était des têtes d'affiche. Oui. C'est vrai que ça, c'est assez particulier. En revanche... Vous citiez Chaplin tout à l'heure, c'était aussi un personnage un peu particulier. Alors, Chaplin, il avait un rapport aussi particulier avec ses acteurs. Avec ses femmes, avec les femmes aussi. Avec les femmes, absolument. Et alors, il y a plusieurs en fait, concordances entre Chaplin et Lang. Oui. Et aussi notamment avec Hitler. Alors, il se trouve que Lang a en fait plusieurs points communs donc avec Hitler. Notamment, il est né à quelques mois d'écart du Führer. Il l'a combattu très tôt sur le plan idéologique. Et il a en fait sorti M le Maudit dans un contexte social extrêmement, extrêmement tendu post-crise de 1929. Lubitsch aussi le combattra idéologiquement avec To Be or Not To Be. Et Chaplin aussi, c'est là où ça se rejoint, avec Le Dictateur évidemment. Et alors, Chaplin, lui, il était né à quelques jours d'écart avec Hitler. Donc là, c'est encore plus parlant. Bon, est-ce qu'ils ont joué à la balle ensemble? On peut se le demander, on peut se le demander. Par rapport à Hitler, il y a une chose assez amusante aussi, qui est une anecdote qui a été racontée par Peter Lorre, où justement, je crois qu'il a reçu une lettre lorsqu'il était aux États-Unis. Peter Lorre était juif, et il a reçu une lettre aux États-Unis d'Hitler en personne, qui lui disait qu'il avait énormément apprécié sa prestation dans M le Maudit. Et il lui demandait de revenir en Allemagne, justement, et qu'il ne lui serait fait aucun mal, et qu'au contraire... Et Lorre avait eu cette réponse assez savoureuse, en lui répondant, vous savez, je crois qu'en Allemagne, il n'y aura pas de place pour deux tueurs et deux bourreaux. Et à ce moment-là, je crois qu'il a été radié définitivement de la carte. Peter Lorre, ouais, c'est un acteur qui vous a marqué ou pas? Parce qu'il est assez peu présent. Colin, vous parliez tout à l'heure de Casablanca. Donc, il a tourné également dans M. Le Maudit. Le Faucon Maltais. Il est irreconnaissable hein, par rapport à M. Le Maudit. Le Peter Lorre de M. Le Maudit et celui de Faucon Maltais, il est irreconnaissable. Il a maigri, etc. Oui. Il est assez chic. Il a rajeuni d'une certaine façon. On dit, alors je sais pas si c'est vrai qu'il se droguait un petit peu, il a marqué 3 ou 4 films, et le reste, alors toute une série aussi à la télé sur un détective, je me souviens plus lequel, oui. Qui a eu beaucoup de succès. Mais est-ce qu'il a marqué une génération? Non. Non. Non. Non. Non. C'est pas un acteur qui a marqué comme Humphrey Bogart. Non. Par exemple, on peut dire, quel est l'acteur américain qui aurait le plus marqué l'Amérique d'une certaine époque? On peut dire John Wayne. Oui. Voilà. On peut dire John Wayne. Qui a interprété nombre de cow-boys. Voilà. Et puis même comme ça, humainement parlant, ça. Peter Lorre, non. Non. Non, aucun acteur. De l'immigration allemande ou autrichienne, personne. Marlène Dietrich, s'il n'y avait pas eu Joseph von Sternberg. Oui, pour en faire l'ange bleu. Je pense que, elle ne serait pas vraiment très connue. Ce n'était pas réellement une très bonne actrice, quand même, il faut le dire. Les rapports avec Lang ont été absolument orageux, terrifiants. Lang l'a traité de tous les noms. Enfin, il nous disait d'elle pique-pendre. Oui. Bon. Et inversement, Marlène Dietrich, je crois, n'aimait Lang en disant « qu'est-ce que c'est que ce vieux juif ?» Enfin, elle avait des propos de ce genre-là. Oui. Vous êtes en train de nous faire un tableau quand même assez sombre de Lang, et puisque justement, je vois des tablés manger, mes amis d'ailleurs, hein, le fromage est en train de fondre, mais qu'aimait Lang? Est-ce qu'il aimait manger? Est-ce qu'il aimait les plaisirs de la table? Est-ce qu'il aimait le vin? Est-ce qu'il aimait... Non. C'est tout le contraire d'un Viennois. Le Viennois, il aime manger, il aime boire, etc. Il aime rire, il aime rigoler. Il y a d'ailleurs, il y a une tradition à Vienne, dans les auberges en dehors de Vienne, où on mange, où on boit, où on chante, où on rigole, etc. Lang, c'était pas du tout ça. Lang a toujours été extrêmement sérieux pour un Viennois, ce qui a dû aussi, l'éloigner de gens comme Preminger, qui avait quand même un peu plus d'humour que Lang, même si Preminger était un tyran aussi dans son genre. D'ailleurs, pour être metteur en scène, c'est très simple, il faut être un tyran. Si on n'est pas un tyran, on ne peut pas être un bon metteur en scène. C'est ça, je crois que c'est vrai. Paraît-il, oui. Et Godard aussi est un tyran. Qu'est-ce qu'on mange à Vienne? À Vienne, on peut manger, disons, toute la cuisine qui passe de Prague par les Balkans jusqu'à Vienne. Il y a des cuisines viennoises, pragoises, des pâtisseries, etc. Il ne faut pas trop en manger parce qu'on prend tout de suite 5 ou 10 kilos. Oui. C'est ça. C'est une nourriture balkanique, vraiment. C'est une cuisine plutôt riche, effectivement. Plutôt riche, oui. Avec des restaurants qui sont dans des sous-sols, dans des caves. Hein. Et puis, il y a, le champagne, le vin de l'année, etc., qu'on boit, on fête. D'ailleurs, à la radio, à l'époque, je me souviens, quand j'allais voir ma mère à Vienne, on disait, quand vous quittez une auberge viennoise, demandez à ce qu'un taxi vous ramène. Oui, parce que sinon, on se met à rouler sur la table. Hein. Mais pour en revenir à Métropolis, c'est vrai que Lang pensait qu'on allait arriver... tous ces progrès, par exemple, les voitures volantes, il y en aura un jour. Il y en a dans vous le... croyez, il y en a d'enfants Thomas également, une déesse volante. Oui, il y en a. C'est la mise en esclavage des gens, d'une façon générale. Oui. Ça, c'était une grande préoccupation de Lang, qui apparaît dans ce film. Et si on voit aujourd'hui les choses, on peut dire que, effectivement, si vous faites le tour de la planète, il y a une partie de la planète qui est en esclavage par rapport à l'autre. Colin, est-ce qu'il y a une scène justement de Métropolis qui vous a particulièrement marqué? Oui, absolument. En termes d'esclavage, c'est frappant. Enfin, la sortie d'usine des ouvriers qui sont relevés par les ouvriers qui prennent eux leur service. Il y a un chassé-croisé avec deux foules qui se croisent. Ça, c'est symboliquement, c'est hyper fort. Oui. Bon, nous allons mettre un petit peu de gaieté sur ça, parce que là sinon, nous allons pas partir à l'usine. Alfred et Belle, je sais que vous avez vu Louis Armstrong en concert, et nous allons donc écouter Armstrong et Ella Fitzgerald pour une interprétation de Dream, A Little Dream of Me. Above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Oh, how you linger on. Still craving your kiss. How you pay my kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Give me a little kiss. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worry behind you. Put in your dreams whatever they be. Dream a little dream of me. Buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Don't need it. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming till something's fine. You keep dreaming. Gotta keep dreaming. Leave the worries behind you. But in your dreams, whatever they be, you gotta make me a promise. Oh, yeah. Promise to me you'll dream a little dream of me. Les mots à la bouche. Vous êtes toujours sur Webset Radio en compagnie d'Alfred Ebel qui est sur le plateau des mots à la bouche et nous venons d'écouter un standard du jazz avec Ella Fitzgerald et Louis Armstrong. Alfred Ebel, je vous coupe en pleine bouchée, mais oui. vous avez vu Armstrong en concert, ouais. Oui, je l'ai vu. Vous avez vu ses joues se gonfler. 40, dans les années 40, dans la grande salle de Genève qui s'appelait le Victoria Hall. Oui. Où j'ai vu d'ailleurs aussi le Modern Jazz Quartet, hein, également. Où j'ai vu aussi Stravinsky diriger le Sacre du Printemps, où j'ai vu beaucoup de concerts, parce que c'est une musique qui me passionne, hein, aussi. C'est-à-dire que moi, le jazz, moi, je l'écoute depuis, je sais pas, depuis 60 ans. Hein. Vous bon, êtes un maintenant, vrai génois, vous avez une oreille musicale et vous appréciez voilà, ça. Voilà, maintenant, j'ai un peu décroché parce que, bon, il y a des choses qui me plaisent pas, c'est comme ça, bon, voilà. Mais, alors, je n'ai pas... Alors, qu'est-ce que j'ai vu encore? J'ai vu Lionel Hampton, aussi. Qui est un très très grand musicien. Ouais. Alors je n'ai pas vu Ella Fitzgerald. Par contre, une des plus grandes chanteuses noires à mon avis, c'est Sarah Vaughan. Ah absolument, oui. Hein, ça c'est vraiment alors la grande chanteuse américaine. Ouais. Alors il y en a d'autres que j'aurais aimé voir mais que j'ai pas vu. J'ai pas vu Sinatra alors qu'il est venu à Paris. J'ai pas vu. Alors je n'ai pas vu, mais j'ai vu un film de Tony Bennett que je trouve aussi pas mal du tout. Hein. Ella Fitzgerald, je la reconnais. Alors si, j'ai vu Oscar Peterson aussi bien en Suisse qu'à Paris. Voilà, et peut-être j'en oublie un ou deux. J'ai pas vu Bing Crosby, mais ça a quand même pas mal vieilli. Hein. Je pense qu'il y en avait encore beaucoup à voir, et surtout voilà, à cette époque, vous êtes un vrai Viennois en tout cas. Voilà. Et alors revenons une minute à Lang. Ouais. Et pour partir sur une note positive, avant d'évoquer Jean-Pierre Martinet qui a été votre ami, vous me disiez que Lang avait voulu faire une comédie. Oui. Il pensait, mais il n'avait pas. Il n'avait pas cet esprit de qui est difficile à décrire, de Billy Wilder. Oui. Billy Wilder travaillait avec un type, je crois, qui s'appelait E.A.L. Diamond, qui était co-scénariste. Colline, je me tourne vers vous, comme vous êtes experte. Alors, je ne connais pas ce co-scénariste, mais oui, Billy Wilder, quasiment sur tous ses films. Lui, c'est vraiment... c'est un Viennois d'origine. Je crois même qu'il a interviewé Freud. Hein. Bon, le grand malheur de Vienne, il faut quand même le dire, c'est... parce que le Viennois, au départ, c'est quelqu'un qui est dépressif. Enfin, ça, c'est moi qui dis ça. Hein. Mais qui a quand même certaines espérances en l'avenir. Permanent. Oui, mais c'est parce qu'il y a un très beau livre de Stefan Zweig qui s'appelle Le Monde d'hier, justement. Voilà. Le Monde d'hier, souvenir d'un Européen, où il parle justement de toute cette richesse qu'il y avait à ce moment-là, où il y avait les Freud, les Verhaeren, les Rilke, les Paul Valéry. Et il parle justement d'une civilisation qui avait une certaine confiance en l'avenir. Oui, une certaine confiance en l'avenir, jusqu'à une certaine époque. Jusqu'à l'époque où Herman Brock a sorti un bouquin qui s'appelle Les Somnambules, oui. Où il disait que les gens ne voyaient pas le danger à venir, et le danger à venir, c'était évidemment le nazisme. Oui, bien sûr. Oui. Alors qu'eux les voyaient bien avant. Hein. Oui. Mais je crois que, sans schématiser trop, je crois que le Viennois est un dépressif permanent. C'est-à-dire qu'il n'a pas, comme ici, des gens qui me disent « Ouh là là, il est en dépression à un moment donné ». On est dépressif tous les jours, mais on remonte la pente tous les jours. Voilà, c'est ça. Et si vous remontez la pente tous les jours, c'est que vous n'êtes pas dépressif. Et en même temps, vous êtes dépressif. Les gens comme Freud, Kraft et Bing, tous ces gens-là sont des dépressifs. C'est pour ça qu'ils ont pu faire la psychanalyse. D'ailleurs, ma mère me disait que quand Freud a commencé à sévir, parce que c'est le mot qu'il faut, il y avait des clients et des clientes qui se sont jetés par la fenêtre parce qu'ils ne supportaient pas du tout les remarques de Sigmund Freud. Hein, voilà. Et alors justement, à propos de sévir et à propos de mauvaise psychologie, vous avez très bien connu et vous lui avez consacré un livre, Alfred Ebel, Jean-Pierre Martinet. Votre livre s'appelle « Dans la rue » avec Jean-Pierre Martinet, paru aux éditions des Parèges, où vous faites un tableau, un portrait de cet ami assez peu lu, malheureusement, alors qu'il a écrit un très grand ouvrage qui s'appelle « Jérôme », mais qui est un ouvrage qui est à mi-chemin entre Dostoïevski, Bernanos et Céline. Autant vous dire qu'il y a une dose de noirceur qui est omniprésente. Mais il commence à être redécouvert et il y a eu notamment un film qui a été projeté dans un cinéma assez récemment, La Générale, je crois, où Denis Lavant incarne en partie, on pourrait dire, Jean-Pierre Martinet, il lit des passages de Martinet. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cette émission ? Martinet, voilà ce que je peux dire, c'est que Martinet, il y avait une revue d'abord qui s'appelait Matulu, dirigée par Michel Mourlet, et qui cherchait des collaborateurs. Et je ne me souviens plus comment, j'avais rencontré Martinet, qui à l'époque voulait être assistant, puis réalisateur, et il m'a dit, si tu veux, je peux faire des articles. C'était quand même un garçon très cultivé, grand amateur de poésie, etc. Donc il a commencé à écrire dans cette revue Matulu, qui d'ailleurs, il faut que je le précise, il y aura un livre qui va sortir, je crois, en octobre, où il y aura les entretiens essentiels et les textes importants de Matulu rassemblés. C'est un livre qui va faire 400 pages. D'accord, dont des papiers de Martinet lui-même. Dont des papiers de Martinet et puis de plein d'autres. Alors pourquoi j'ai mieux connu Martinet? Tout simplement parce que là où il habitait, rue Schaeffer... Et oui, parce que vous avez même été voisin de palier, je crois. Il est devenu voisin de palier parce que la jeune américaine qui vivait en face de chez moi à l'époque quittait Paris pour Lyon. Donc l'appartement était disponible. J'ai donc téléphoné à la propriétaire, qui était une personne absolument épouvantable, d'ailleurs je la décris. Oui, vous en parlez absolument. Bon, qui me disait, oui, mais alors est-ce qu'il gagne bien sa vie? J'ai dit, écoutez, il travaille à l'ORTF, exactement, etc. Il travaillait à la radio, à oui, l'époque, mais, de l'ORTF. Alors, est-ce que vous croyez, alors ça c'est aussi un langage, vous croyez qu'il fait venir des femmes de mauvaise vie le soir dans... Non, il n'est pas fait de langue, voyons. Alors j'ai dit, écoutez madame, Je crois que j'ai reproduit ça textuellement, mais madame, vous vous rendez pas compte, il travaille tellement qu'il n'a pas le temps de s'occuper de ce genre de choses. Mais il a quitté l'ORTF voilà. après, il est devenu kiosquier. Mais voilà. Puisque nous manquons de temps, Alfred, pour nos auditeurs qui n'ont pas eu la chance de le lire, qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller? Et en deux mots, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour donner le goût de lire du Martinet? Alors, je vais peut-être faire de la propagande pour moi. D'abord, de lire mon petit livre. Oui, absolument. Et ensuite, dans de la penser, rue avec Jean-Pierre Martinet. Et ensuite, ouais, de penser que Jérôme s'appuie sur des faits réels, mais qui sont montés, si je puis dire. Voilà. Alors, Jérôme est un livre exceptionnel, déjà pour une seule raison. C'est un pavé, hein, il faut le dire. C'est un pavé, même si les personnages paraissent parfois peu crédibles et tout, mais ça coule de source. Il n'y a pas, comme dans certains livres, on sent la peine de l'auteur. Là, on a l'impression que ça a été écrit d'une seule traite. Et je me souviens que Martine et mon voisin, on discutait souvent ensemble, on allait boire, évidemment, on buvait du 7 oui, millions. Oui, ça vous en parlez. Oui, hélas, un peu trop. Bon, fréquentait aussi des filles de mauvaise vie. Oui, enfin, vous en parlez également. Mais c'est un délice, tout ça, à lire. Et finalement, en lisant Jérôme, j'ai dit, mais c'est vrai, dans nos conversations, il a repris des éléments qu'il a arrangé et qu'il a introduit donc dans Jérôme. Alors, ceux qui l'ont lu quand il a présenté son manuscrit à Gérard Guégan et à Raphaël Sorin, ils ont vraiment été estomaqués. Il y a une anecdote assez amusante justement avec cet éditeur Guégan qui disait « J'ai lu Jérôme en étant complètement possédé par ce livre, mais j'ai dû quand même pointer une tête par la fenêtre pour voir si le ciel était encore bleu. » Et je trouve que justement, ça donne vraiment une image très parlante de ce qu'est Jérôme, comme un monolithe, un pavé qui est presque un trou noir et qui est d'une certaine violence. On n'en sort pas indemne. D'ailleurs, il s'en est rendu compte lui-même. Alors, quels sont les auteurs? Bon, il y a des tas de poètes allemands surtout, Hölderlin, il y a Rilke, il y en a d'autres, des poètes suisses aussi, que les gens ne connaissent pas ici, comme Gustave Roux. Mais il a été très influencé, donc, à la fois par un certain type de littérature allemande, par le cinéma expressionniste, qui n'est pas celui de Lang, qui est autre chose. Qui est celui de Murnau, par exemple. Murnau, etc. Et puis, par un auteur russe, comme Bieli, par exemple. Oui. Bon. Parce que est obsédé par les souterrains, comme aussi d'ailleurs Dostoïevski, voilà. Comme de ceci, et effectivement, on en trouve des traces. Puisque vous parlez de la poésie, justement, Alfred, il y a un poète que vous avez connu qui s'appelle Yves Martin. Oui. Donc vous allez peut-être pouvoir nous parler un petit peu après. Est-ce que vous pourriez nous réciter un poème de Martin? Je lirai. Alors Yves Martin a été, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le compagnon de Bertrand Tavernier pour un club cinéphile qui s'appelait le Nickelodeon. Oui, c'était du côté des MacMahoniens, ça, ce grand mouvement. Non, alors c'était loin des MacMahoniens, c'était autre chose, c'était beaucoup plus ouvert. Beaucoup plus large, souvent avec des metteurs en scène, d'ailleurs très peu connus, même des cinéphiles de l'époque, comme Edvard Ludwig, la plupart des gens ne savent pas qui c'est. Et donc, Yves Martin en faisait partie. Et moi, je le voyais quand même quasiment tous les mois. Je crois que si j'ai publié des nouvelles de lui, ça venait de Tavernier, qui m'a dit, tiens, il faudrait que tu fasses connaissance de Yves Martin, que je n'ai cessé de voir pendant des années, jusqu'à sa mort, quasiment. Et il me disait toujours, oui, c'est vrai, j'ai été influencé par un tel ou un tel, mais surtout par le cinéma. Par le cinéma, oui. Ce qui donne à sa poésie une caractéristique assez déconcertante pour ceux qui ne sont pas, disons, cinéphiles ou qui n'ont pas dans la tête les images qui se heurtent les unes les autres. Mmh. Il était aussi, non pas pédophile, ça c'est un mot qu'on utilise aujourd'hui, mais il voyait une jolie fille en soquette. Il pouvait pas. Disons une collégienne. Il a trouvé jolie, quoi. Bon, il y a un mot pour ça, c'est nymphéolette. Oui, Nabokov, en fait. Ouais. Donc, exactement. Parce que Nabokov n'a pas inventé cette fille, il en a vu. Il avait ce goût pour ces filles un peu moulées, etc. Oui. Bon, voilà. Bon. Mais Yves Martin, c'était au-delà de ça. Nabokov lui-même. Il y a des allusions aussi à des films, ce qui est, disons, à la fois la force et la faiblesse du livre, parce que ceux qui n'ont pas vu ce film. Bien sûr, l'image devient dépressive. Donc, moi, j'ai choisi deux poèmes courts. Puisque ça s'appelle « Poème court suivi d'un long », c'est le premier recueil, je crois, qu'il a publié. J'ai un peu regardé et j'ai dit « Tiens, pour pas ennuyer les gens, je vais en lire un ou deux, c'est très rapidement. Voilà. » Eh bien, cher Alfred Ebel, je vous invite à nous en faire une lecture. Oui. Tout de suite, alors. Oui, absolument, ouais, si vous êtes partant. Théo, est-ce que vous avez déjà pu lire du Yves Martin? Est-ce que c'est un nom qui vous parle ou... Eh bien, non, je suis très curieux de découvrir ça, parce que cette description qu'on nous en fait, là, dans le langage très cinématographique, ça... J'ai hâte de voir en tout cas comment ça se retranscrit. Parce que je sais que vous êtes un amateur de poésie. Ah ben j'essaie. Un amateur de Mayakovsky notamment, dont notamment nous avions fait bien sûr. Oui, alors oui, bon, c'est pas. Là, c'est autre chose. C'est pas proche de Mayakovsky, mais enfin bon, voilà. Alors je vais vous lire un poème en essayant de garder disons la cadence de ce type de poème. Alors le premier poème, voilà comment il commence. Adieu les belles choses, la faim, la misère. Les planques, les chambres malhabiles. J'ai chanté, n'ai pas chanté. Je m'y perds. Il y a si peu de mots vivants. Adieu, force, révolte. J'ai tenu le coup. Je n'ai pas donné le secret. J'ouvre grand mes fenêtres. Le vent, la pluie ne se calmeront jamais. Et un autre poème un peu plus long et qui est plus, peut-être plus accessible. Il dit « Une casquette blanche, un air tiède, des yeux souvent invisibles. Je n'ose bouger. Frise, giboulée des demi, donc de bière. Un bistrot non figuratif, de faux oiseaux de braque. Là, les garçons font voile, les filles bombardent leur sein. Tout est heureux, inutile, éternel. Par la fenêtre, Diderot regarde dormir les poètes. Le jambon, très rose, palpite. Elle me demande de lui garder ses affaires, un Rilke, un Poche, sur la Seconde Guerre mondiale. Elle est plus grande que je pensais. Elle revient, je me penche, j'ai moins peur, je tremble encore, le crépuscule, les couples. Voilà. Les mots à la bouche. Merci beaucoup Alfred, vous venez de nous lire deux poèmes de Yves Martin. Yves Martin, et effectivement, ce sont des poèmes comme des sortes de trains qui se percutent les uns avec les autres, plein d'images. Mm-hmm. Ce sont des poèmes comme des... C'est une belle, très très très belle révélation, j'ai hâte de m'y plonger. C'est sublime. Alors c'est ça aussi le problème de la poésie, il faut le lire. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, Apollinaire a été filmé en récitant ses poèmes. C'est une vraie catastrophe. Moi j'ai vu ça, c'est une vraie catastrophe, il ne sait pas lire ses propres œuvres. Hein. Il faut vraiment lire seul, dans une chambre. Hein. Comme je le dis à un moment donné, on demandait à Michel de Gelderode, comment écrivez-vous? Je dis, seul dans une chambre, donc il faut lire seul dans une chambre ses poèmes, en essayant de retrouver la cadence originale. Ses propres poèmes. Ouais. Est-ce que vous écrivez, vous, Alfred Ebel, des poèmes? Non, je n'écris pas de poèmes. Est-ce que vous avez des poètes en dehors d'Yves Martin, qui vous touche particulièrement? Je crois que le XVIIe siècle. Alors, il y a deux choses qui me touchent particulièrement. Alors, je me demande pourquoi. Probablement parce que j'ai eu des bons professeurs à l'époque. Et que finalement, même arrivé maintenant à mon âge, je reviens au XVIIe siècle. J'essaye de découvrir d'autres écrivains qui sont un peu passés à l'as. Et qui, paraît-il, sont remarquables, mais pas réédités. Et puis, alors, ça va peut-être vous étonner, des poèmes traduits du chinois. Traduit, parce que vous lisez traduit. Pas chinois. Ah ben non, je ne lis pas le chinois. Des poèmes traduits du chinois par des grands spécialistes, et, puisque les poètes chinois, c'est des gens qui vivaient à la campagne, etc. Donc ils recréent tout un monde campagnard, etc. Et surtout, ils vont vers l'essentiel, puisqu'ils se sont donc ils ont laissé de côté tout, l'argent, tout le reste. Est-ce que vous auriez un nom à donner à nos auditeurs? Oui, mais malheureusement, l'alcool aidant, je ne le trouve plus. Oui, il y a beaucoup de « i », c'est ça? Comment? Il y a l'ireux, il y en a un qui s'appelle l'ireux, ça se prononce comme ça, qui lui avait la particularité à Chang'an, qui était d'ailleurs la capitale de la Chine à l'époque, on rencontrait aussi des gens blancs, curieusement, bon, ça c'est peu connu. Il circulait à cheval, et il écrivait de la poésie un peu à cheval d'ailleurs. et il les mettait dans un grand sac, et il est mort très jeune. Et donc, on a traduit ces poèmes. Bon, ces poèmes ont été rassemblés d'abord en chinois, bien entendu. Ensuite, ils ont été traduits en anglais. Moi, j'ai une traduction anglaise parce qu'elle est plus proche, finalement, plus fidèle que... Et puis, il y a des traductions, disons, de en français, et notamment sous la supervision de René Étienne, oui, qui dirigeait la collection fabuleuse Connaissance de l'Orient, où il y avait aussi des poètes arabes, des poètes, oui, perses. Et des poètes viennois également ? Non. Non. Non. Est-ce que vous avez, vous, un poète viennois avant que nous quittions ? Des poètes viennois, disons, le seul, non, celui qui fait des scénettes, qui a un esprit poétique, mais qui fait des scénettes avec des choses tout à fait banales, etc., que j'ai traduit, et c'est pas facile parce qu'il écrit en dialecte viennois aussi, c'est Peter Altenberg. Comment il s'appelle ? Éric Dussert mentionne dans la quatrième de couverture. Oui. Voilà. Eh bien, c'est noté. Voilà. Merci beaucoup, Alfred. Théo, est-ce que vous bossez au magazine Saveur ? Est-ce que vous avez un restaurant à conseiller à nos auditeurs en attendant notre prochaine émission ? Ah, ben, je peux les inviter à aller faire un petit tour du côté de Belleville, dans une petite ruelle, la rue des Noyers, et d'aller trouver un bistrot du même nom, le bistrot des Noyers, où on mange une cuisine française de bistrot extrêmement fine et bien pensée pour des prix particulièrement raisonnable si on voit ce qu'on a dans l'assiette. Merci Théo. Colline, vous qui êtes une cinéphile passionnée, est-ce que vous êtes allée au cinéma récemment ? Est-ce que vous auriez un film à conseiller ? Oui, alors le dernier film que j'ai vu, c'était le dernier Clapiche, qui s'appelle Ce qui nous lie, sur le vin, donc on est en plein dans le thème. Et ça montre le processus qui est réalisé pour créer ce merveilleux breuvage. Et accessoirement, c'est une histoire de famille qui est plutôt touchante. Merci beaucoup, Colline. Quant à moi, je signale à nos auditeurs l'apparition assez récente du dernier roman d'Olivier Molin qui s'appelle Les Retrouvailles. Olivier Molin qui aurait pu être présent ce soir mais qui malheureusement n'a pas pu, mais qui m'a dit « Je regrette infiniment de n'être pas avec vous pour évoquer ce génie de Martinet auquel Alfred Ebel a rendu un si bel hommage. Et comme je sais que ça picole sec dans cette belle émission, je lève mon verre à la santé de Jean-Pierre, puis à la santé d'Alfred, puis à la santé de Théo. » Puis à la santé d'Yves et ses pirates rascarcapiens, et enfin à la santé de tous ceux qui sont présents dans le studio, sans oublier la mystérieuse cinéphile strasbourgeoise. Santé, camarades. Mes chers amis, voilà, c'est la fin. Merci beaucoup, Alfred Ebel, d'être venu. Je rappelle surtout le nom de votre bouquin qui va paraître en septembre, donc le 7 septembre aux éditions Klingsek, Fritz Lang ou Le Dernier Bond du Tigre. Et surtout, je vous remercie chaleureusement d'être venu vous prêter au jeu des mots à la bouche, car il est temps pour nous de fermer boutique puisque les bouteilles sont maintenant vides et nos planches de bistrot sont à sec. Mais avant de vous laisser vous plonger dans les films de Fritz Lang, chers auditeurs, il me faut vous annoncer une grande nouvelle. Nous étions filmés ce soir. Et je remercie notre camarade Christophe Lafosse d'être venu nous mettre en bobine. La liste des remerciements n'est pas terminée, car nous retrouvions ce soir Arthur Boulot à la régie, que je salue. Lui et son camarade Adrien Brachet, qui a terminé sa troisième saison d'Apprendre à débattre hier soir, et qui s'apprête à voguer vers de nouveaux horizons. Quant à moi, je vous retrouve mardi 11 pour la dernière des mots à la bouche, en présence de Burgala. Les mots à la bouche. Les mots à la bouche. Oui, monsieur. Les princes de la cuite, les seigneurs. Ceux avec qui tu buvais le coup dans le temps et qui ont toujours fait verre à part. Eux, ils tutoient les anges. Les mots à la bouche.